plus je travaille et moins je me marre. Et les requins sont dans la Seine, mais ça baigne, c'est une vie saine. De ramer sans ça, sans s'arrêter, de Madeleine à la prochaine. Faut que je trouve rapido la meuf qu'il me faut. Je leur dois trop, mais j'avance bien mieux avec le ventre creux. Je prie à mort le dieu des fesses qui me laisse pas sans gonzesse. Je chope un bus, oi oi oi, is putain de bus qui glisse et qui se trompe de piste dans les couloirs tirés par la police. Paris est je suis de bonne, bonne, bonne, bonne humeur ce matin. Y'a des matins comme ça.